Sécurité routière toujours, on parle aujourd'hui des scooters et du débridage, une pratique courante qui permet d'augmenter la vitesse maximale des engins. Un scooter neuf ne peut pas dépasser 45 km/h en France lorsque son cylindre est de 50 cm3, mais grâce à une simple manipulation, son propriétaire peut faire passer cette vitesse à 70 voire 80 km/h. Outre le danger occasionné, tout contrevenant s'expose à une amende de 135 € et en cas d'accident, les assurances ne couvrent pas les dommages matériels et corporels. C'est pour rappeler ces risques que la préfecture et le comité des assureurs Réunion Mayotte lancent une campagne de sensibilisation à partir d'aujourd'hui, des risques qui ne semblent pourtant pas inquiéter certains usagers. Reportage au chaudron, Stéphane et Nilorac. Écoute. Comment est moto IPUL, comment ? La poudre est moto 120 d'origine. Jean-Louis, la vingtaine, est fier de sa monture. D'origine pas à tout, réglage simplement. Réglage bi dans le bon embrayage avec un pot. Pot GP Evo 2, transmission double 14, je précise bien, double 14. Les forces de l'ordre, ça ne l'inquiète pas. Combanerot Pouni, nous fuyons les autres. Nous les plumes à l'exode. Nous n'avons un pas d'avance chez les autres. Oublie pas ça la loi. Et quand lui ou un autre se fait contrôler. C'est Cax. Ah ouais d'accord, pour le débridage on ne gâte pas alors. Ça mettra avant moi pour ça. Et je connais les gars à la Fingens Amand pour ça. Un peu plus âgé, Gros Mal tente lui aussi de justifier les débridages de scooters. Le scooter, c'est un truc qui est fait pour rouler en ville. Donc le scooter, oui, on avait plus 50. Voilà, en ville, c'est avec la société qui construit ça. Pour que ça te fait un truc, alors qu'en fin de compte, le moto lui-même dit ça va plus que ça. À zone de créer un truc, que vraiment, il arrête à là. Ben là, ils vendent ces pièces-là. Si on disait, ils vendent ces pièces-là pour la compétition, en fin de compte, ils vendent ça en vente libre. Avant qu'on contrôle à nous, là, contrôle le magasin. Est-ce que les responsabilités doivent être partagées? La question mérite au moins d'être posée. Et elle sera posée cette question ce midi à Philippe Dornier et ses invités. C'est dans l'actu, parle justement de cette campagne de sensibilisation contre le débridage des scooters. Philippe Dornier, à partir de 12h15, il recevra des représentants de la gendarmerie, de la Fédération des motards en colère, également un vendeur de deux roues. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, également par SMS au 0692 70 2000 ou bien via Twitter avec le hashtag CDL la première et bien sûr sur la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. La pagaille hier à l'aéroport Roland-Garros où des passagers en partance pour l'Hexagone ont eu la mauvaise surprise de se faire confisquer le boucanet ou les saucisses qu'ils comptaient emmener à leurs proches. La faute à une mauvaise interprétation par certaines compagnies aériennes des mesures en vigueur ce mois-ci pour éviter une épidémie de fièvre aphteuse dans les élevages de la Réunion. Ces mesures ont été prises notamment, cette fièvre aphteuse qui fait des ravages dans les élevages de l'île Maurice et de Rodrigue depuis le début du mois. Écoutons les précisions de Loïse de Valicourt. Elle est chef du service alimentation à la DAF. Elle était l'invitée de la matinale de Réunion Première ce lundi. Il s'agit en effet d'une confusion puisque la règle, ce n'est pas l'interdiction d'exportation de produits de la Réunion vers la métropole, mais bien l'exportation de produits provenant des îles affectées actuellement par la fièvre aphteuse, que sont Rodrigue et Maurice, vers la métropole. Alors il y a eu une confusion puisque l'ensemble des passagers ont eu ce message qui venait de la Réunion ou des îles Rodrigue et Maurice en transit de ne pas exporter des viandes, mais c'était au-delà de ce qui était attendu par le ministère. Puisque en temps normal, il est tout à fait possible de transporter de la viande. Et aujourd'hui encore, uniquement par contre s'il s'agit de viande produite à La Réunion. Des propos recueillis par Philippe Dornier. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Avec la rentrée, c'est le retour des bons pop. Le plan ordinateur portable permet aux lycéens réunionnais de bénéficier d'un bon de 500 € pour l'achat d'un ordinateur. Des limites sont tout de même imposées. L'ordinateur doit être verrouillé avec le système d'exploitation Ubuntu. Les lycéens qui rentrent en première et en terminale ont bénéficié déjà d'un ordinateur pop. Raphaël Kahn est allé leur demander ce qu'ils en ont fait. Mon ordi pop, quand je l'ai eu, je l'ai utilisé deux fois et je l'ai mis de côté. Parce que c'est un ordi qu'on peut pratiquement rien faire et ça m'a agacé. Donc j'ai préféré m'en acheter un autre que de l'utiliser. Je l'ai vendu, il ne m'intéressait plus, j'en avais plus besoin. C'est à la maison, ça marche toujours mais j'utilise pas. Le logiciel Ubuntu, je sais pas quoi là, c'est chiant. Je l'ai passé sous Windows et maintenant j'utilise pour le traitement de texte, pour les cours. Pour les diaporamas, pour Internet, YouTube, tout ça. Comme à la maison, on n'a qu'un seul ordi qu'on se partage. quand j'ai besoin de faire des traitements de texte ou des choses comme ça, j'utilise l'ordinateur, le POP. Et chez moi, et des fois ma grand-mère en a besoin, donc je lui passe pour regarder des séries sur YouTube, des séries indiennes s'il vous plaît. Voilà. Une nouveauté cette année avec le plan POP, la région financera également la connexion internet des familles les plus modestes, une aide qui est plafonnée à 20 euros par mois. Ce matin, quelques étudiants ont retrouvé les bancs de la fac pour une première réunion. Le campus du Moufia a rouvert ses portes aux étudiants. Cette année, ils seront 9780, dont 3564 néo-bacheliers. Ils se sont inscrits déjà, mais ces inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 septembre. Je vous le disais en titre, un couple de jeunes Français a été retrouvé mort hier sur l'île de Sainte-Marie, à Madagascar, âgés de 22 et 25 ans. Ils étaient bénévoles dans une association. Il s'agit d'un crime odieux, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères français. Le point sur cette affaire avec Erwan Poney. Pour le ministre du Tourisme de Madagascar, Roland Ratsirak, des faits comme celui-ci, malheureusement, cela arrive dans n'importe quelle partie du monde. Tout porte à croire pourtant que les deux Français ont été victimes d'un crime odieux. Les deux corps portaient des traces de blessures à la tête, selon le maire de l'île de Sainte-Marie. Des corps retrouvés sur une plage à 150 mètres à peine d'une discothèque dans laquelle les deux jeunes Français ont été aperçus pour la dernière fois vers 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux victimes, âgées de 25 et de 23 ans, étaient toutes deux éco-volontaires pour une association de protection des mammifères marins. Cetamada organise pendant la saison des sorties en mer pour l'observation des baleines et effectue également des repérages scientifiques. 24 autres jeunes Français et malgaches font partie de cette association qui a décidé d'abréger la saison en raison du drame. Ce lundi, les deux corps doivent être rapatriés sur Grande Terre. Enfin, des gendarmes français sont également attendus en renfort pour assister leurs collègues de la police et de la gendarmerie malgache. Et un hommage sera rendu aujourd'hui aux victimes sur l'île de Sainte-Marie. On passe au sport, en football. Suite et fin hier des huitièmes de finale de la Coupe régionale de France. Victoire de la JSSP Saint-Pierre sur la Jeanne d'Arc après un passage par les tirs au but. La S Grandfonds s'incline devant la F Saint-Louis 0-2. Logique respectée entre la JS Bracreux et la Capricorne 0-1. Tout comme la S Saint-Philippe contre l'Excelsior. Victoire des Saint-Josephois sur le score sans appel de 5-0. Enfin, victoire à domicile de l'AS Sainte-Suzanne, le promu de la D1R qui écarte la tamponnaise. Le seul et unique but de la rencontre est signé Stéphane Nirlo. On écoute le milieu de terrain sainte-suzanien. On savait que même si l'équipe du tampon, c'est une équipe des deux, on savait qu'il y avait beaucoup des joueurs d'expérience qui avaient quand même un certain vécu en D1P. Donc on savait que ça allait être un combat physique. On a eu le match qu'on s'attendait, donc nous, on est allé au combat. Et après, moi, j'ai eu la chance de marquer et donner la victoire à mon équipe. Donc, tout va pour le mieux. Et après avoir sorti la Saint-Louisienne et Petite-Île, les hommes de Jean-Pierre Bann ont donc fini par se plier à la hiérarchie du classement. Pour Ahmed Sacco, le défenseur, la tamponnaise est passée à côté de son match. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a eu pas mal d'occasions. Et ce qui fait mal, c'est aujourd'hui qu'on n'a pas pu réaliser nos occasions. Parce qu'on voit bien que sur ce match-là, on avait vraiment la place. Maintenant, le football, c'est pas que la place, c'est l'efficacité. Eux, ils ont eu une demi-occasion, ils la mettent et aujourd'hui, on paye cash. Mais bon, pour féliciter quand même les jeunes, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait avant. Et je pense que c'est tout à leur honneur. Ils sont jeunes, maintenant, ils apprennent comme ça ici. Et puis, j'espère que pour la ville du tampon, il y aura encore des moments, espérons, encore mieux que ça dans le futur. On part à Rio avec la déception de Daniel Narcisse. Le Réunionnais et ses coéquipiers de l'équipe de France de handball n'ont pas réussi à décrocher une troisième médaille d'or olympique consécutive. Les experts se sont inclinés face à un Danemark plus fort sur le score de 26-28. Écoutez la réaction du Réunionnais à l'issue de cette rencontre. Il faut féliciter vraiment cette équipe de Danemark qui a tactiquement super bien préparé le match, super bien joué. Donc évidemment, c'est pour ça que la déception est énorme, parce qu'on n'était pas loin d'aller chercher cette médaille. Après, c'est clair qu'il y a énormément de déceptions, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de saveurs difficiles et d'émotions difficiles qui se mixent un petit peu. Mais encore une fois, ils ont été meilleurs que nous, il faut les féliciter. Daniel Narcisse qui disputait sans doute ses derniers Jeux Olympiques avec l'équipe de France qui a tout de même gagné déjà deux fois la médaille d'or et qui est médaille d'argent cette fois-ci. Avant de vous quitter, ce rendez-vous ce soir devant la Réunion, l'émission politique de la rédaction de Réunion Première Radio fait sa rentrée à partir de 18h15. Gaël Le Dantec recevra pour cette rentrée le président de la région Réunion, Didier Robert, également sénateur Les Républicains. Au menu, entre autres, le parc national, la continuité territoriale, la nouvelle route du littoral ou encore la gestion des déchets. Il est 12h12 sur Réunion Première. C'est la fin de cette édition. Et tout de suite, l'actualité nationale et internationale avec France Info. La fin des Jeux Olympiques, cérémonie de clôture sous une pluie battante cette nuit au stade Maracana de Rio au Brésil. La délégation française repart avec 42 médailles, dont 10 en or, plus que Pékin qui était déjà un record en 2008. Rendez-vous maintenant dans 4 ans à Tokyo. Des rendez-vous politiques à la une également. Le gouvernement réuni en conseil des ministres exceptionnel ce matin après 2 semaines de vacances. Ensuite, François Hollande ira sur une île au large de Naples en Italie pour un mini-sommet européen consacré au Brexit à la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne. À 8 mois de l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg, officiellement candidat, lui qui a été ministre de François Hollande, a tenu un discours virulent contre le chef de l'État, un quinquennat indéfendable à ses yeux. Mais il n'a pas dit s'il comptait passer ou non par la primaire de gauche qui doit avoir lieu en janvier. Et Philippe Dornier et ses invités Ingrid sont là. On en parlait dans ce journal. Philippe, vous revenez dans le débat du 12-13 sur le débridage des scooters. Bonjour Antoine, c'est dans l'actu effectivement avec cette campagne que lance la préfecture, campagne pour alerter les jeunes ou moins jeunes sur les risques qu'ils prennent en trafiquant leurs deux roues pour aller plus vite. Avec nous, des responsables de la gendarmerie, de l'association des motards en colère et d'un magasin qui vend des motos, également un champion de motocross. Vous pouvez réagir, poser vos questions bien entendu comme d'habitude au 02 62 99 2000. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Cet après-midi, le ciel sera nettement plus chargé, exception faite dans le nord, qui restera au soleil. Quelques petites ondées ne sont pas à exclure sur les hauteurs de Saint-Leu. Le vent de secteur est reste faible, autour de 20 km/h, avec une petite accélération, comprise entre 30 et 40 km/h à Saint-Pierre, Sainte-Rose et à Saint-Denis. La mer est peu agitée, et notez la présence d'une petite houle de sud-ouest, ainsi qu'une petite houle d'alizé. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de Nantes. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Ah, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. Première. Midi 17 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Aujourd'hui, scooter débridé, attention danger. Qui n'a pas été un jour doublé par la droite, de préférence par un scooter censé rouler à 45 km/h maximum. Vous, vous êtes à 60, vous regardez même votre compteur pour bien vérifier. Pas de secret, l'engin qui vient de passer devant vous a été débridé. Une technique qui permet de booster les machines, mais c'est très risqué, notamment parce que les freins ne sont pas adaptés à une vitesse plus importante. Alors pour tenter de raisonner les amateurs de sensations fortes, eh bien une campagne de sécurité routière est lancée. Aujourd'hui, elle va durer presque 2 semaines. Campagne d'affichage sur les bus de Saint-Denis, Saint-Paul, de Saint-Pierre, Saint-Louis et aussi du Port. Que disent ces messages? Pourquoi est-il dangereux de trafiquer son scooter? Quelles sont les sanctions encourues par les contrevenants? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Avec vous au 02 62 99 2000. Vous pouvez également intervenir par texto. Les SMS, c'est au 06 92 70 2000. Et puis les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu. Et le hashtag CDLA première pour Twitter. Trois invités avec moi ce midi. Le major Robert Lucas, bonjour. Oui, bonjour. Adjoint au commandant de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière à la gendarmerie. Guillaume Chaberneau, bonjour. Bonjour. Le président de la Fédération française des motards en colère 974. Et puis Alexandre Shanman-Han, bonjour. Bonjour. Vous êtes vendeur de deux roues et double champion de la Réunion de super motards. Ouais. Alors une campagne de sensibilisation a donc démarré ce matin. C'est quoi l'idée de ces messages placardés sur les bus, Major Lucas? Oui, l'idée de ce message est donc d'attirer l'attention sur la dangerosité du débridage des scooters. Il faut savoir que le scooter ne réagit pas de la même façon s'il est à 100 km/h que s'il est à 45, et il a été prévu pour une limite de 45, même si les constructeurs augmentent légèrement la sécurité par rapport au kilométrage annoncé, il n'est pas quand même prévu qu'il puisse remonter à 100, 140 km/h, voire des fois même plus. Donc le but du jeu est d'attirer l'attention sur cette dangerosité, premièrement, pour éviter les accidents, et deuxièmement, les risques encourus qui sont pénaux, donc 135 € d'amende, et aussi un retrait de l'assureur qui pourrait dire « mais moi j'ai assuré un scooter qui roulait à 45 km/h, mais pas à 140, je n'assure pas l'accident que vous venez d'avoir ». Ça veut dire que le deux roues est immobilisé, si vous contrôlez un jeune ou moins jeune, hein, je le disais, il n'y a pas que des jeunes qui font ça, vous pouvez garder le scooter ? Tout à fait. Vous faites bien de le dire, il y a en fait très peu de mineurs que l'on contrôle sur les scooters qui sont débridés. La grande majorité ont largement plus de 20 ans. Et donc on contrôle au curvomètre le cyclomoteur, on s'aperçoit qu'il peut largement dépasser les 45 km/h. Donc la personne encourt 135 € d'amende, le véhicule est immobilisé, mis en fourrière. Alors vous avez parlé du curvomètre, c'est un mot qu'on entend régulièrement, oui. De quoi il s'agit exactement? Alors on va résumer, c'était comme un banc d'essai. On place le véhicule sur le scooter sur le banc d'essai. Il y a deux bandes de roulement sous la roue arrière et on calcule la vitesse pure à laquelle le cyclomoteur peut monter. Les deux professionnels qui sont avec nous, là, ils pourront en attester, ce qui ne veut pas dire que le véhicule sur route va réellement monter à 140, parce que là, c'est une vitesse à l'arrêt. Mais toutefois, le véhicule devrait être bridé à 45 km/h. Il ne devrait pas dépasser cette limite. Guillaume Chaberneau, c'est utile ce genre d'opération, évidemment? Bien sûr, on parle ici de sécurité au niveau surtout des jeunes au départ, même si, comme l'a dit le major, on constate beaucoup d'adultes qui débrident et qui malheureusement ne font pas que débrider aussi leur scooter, ils enlèvent souvent aussi des carénages, ce qui fait qu'on rend encore le véhicule peut-être plus léger, mais aussi beaucoup plus dangereux sur la route. Donc oui, ce genre d'action reste bienvenu. Alors, débrider, c'est quoi exactement, Alexandre Shanman-Han? C'est un mot qu'on utilise, ça résume vraiment, ça parle à tout le monde, mais en même temps, c'est technique. En quoi ça consiste, débrider un scooter? Débrider un scooter, ça consiste à augmenter les capacités du scooter. Souvent, c'est au niveau moteur, au détriment des freinages et aussi de la partie cyclique de la machine. Donc, d'un côté, on augmente la puissance. Et de l'autre, on a moins un freinage qui reste le même, une partie cyclique qui reste la même. Donc, on est sur un véhicule qui va plus vite, mais on est en moins bonne sécurité. Et c'est une manipulation mécanique simple, à la portée de tout le monde? C'est assez simple puisque il y a beaucoup, avec Internet maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui vont dessus et ils savent le faire eux-mêmes. Donc, ça ne demande pas un professionnel pour le faire. D'accord. Le major disait, ça va au-delà parfois. C'est pas un simple débridage. C'est quoi la différence ? La différence entre les deux, c'est qu'un simple débridage, ça va donner le maximum du scooter. Ça veut dire à peu près 70 km/h sur le scooter. Après, il y a le plus. Là, c'est quand il change la cylindrée, il y a une augmentation de la cylindrée. Donc, au lieu de passer de 49 cm3, on augmente à... ça peut être du 60 ou au-delà. Et après, bah là, c'est sûr que la vitesse n'est plus la même. Alors, Major Lucas, on peut poser la question, est-ce que ce genre de campagne peut être efficace ? Est-ce que les jeunes sont prêts à entendre ces messages ? S'ils ne sont pas prêts à l'entendre, de toute façon, ils l'entendent. Voilà. Et deuxièmement, il est nécessaire qu'on diffuse ce type d'informations pour que ceux qui sont conscients de la sécurité routière fassent justement attention à leur engin, les parents également, hein, on doit parler pour les mineurs, hein, les parents qui puissent y faire attention. Et puis, il faut que ces personnes qui ont débridé leur scooter connaissent les dangers auxquels ils s'exposent. Comme disait très bien Monsieur Chan, lorsqu'on débride le scooter, il va monter à 140 km/h. C'est facile. Vous mettez un scooter de 50 km/h à côté d'un scooter de 125 cm3. L'un à côté de l'autre, immédiatement, vous savez lequel fait 125, puisqu'il est déjà plus grand, plus gros, plus lourd, plus costaud. Mais oui, la puissance, il est mieux adapté. Exactement. Et cette puissance-là, en fait, vous la mettez sur un petit cadre. Automatiquement, à 100 km/h, 140 km/h, une rafale de vent, comme c'est arrivé malheureusement l'année dernière, un monsieur qui roulait sur la RN2, il a été emporté par une rafale de vent sur les glissières de sécurité et il est décédé. Alors, on en est où de l'accidentologie au niveau des deux roues ? Est-ce que ces débridages sont à l'origine de beaucoup d'accidents finalement ? On n'a pas les statistiques exactes, puisque analyser un scooter après un accident coûte cher. Donc il faut que le procureur de la République décide de faire ce type d'analyse, ou alors directement les assureurs. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ça peut jouer un rôle dans l'indemnisation derrière. Exactement, ça joue un rôle dans l'indemnisation. Donc oui, ça, c'est important de le faire savoir, et nous avons quand même... comme référence, les fautes de conduite. Par exemple, cette année, nous avons remarqué que il y a 70% des scooters qui sont en cause dans leur propre accident. C'est leur faute. 70%. Et la première cause, c'est la non-maîtrise de leur engin, la vitesse et les refus de priorité. Voilà, dans l'ordre. Hein. Non-maîtrise de la vitesse. Non, ils ne maîtrisent pas leur engin. La vitesse pure, par elle-même, et la priorité. Voilà, ça, ce sont les analyses de cette année. Alors, ne pas maîtriser son engin, Guillaume Chaberneau, ça veut dire qu'il va trop vite, qu'on l'a débridé, c'est ça le principal risque ? Non, pas forcément. On parle vraiment là d'un comportement de l'usager. Donc, je pense que sur les accidents qu'il y a eu, on ne peut pas démontrer qu'il y a eu un débridage qui était présent à ce moment de l'accident. On parle bien vraiment d'un comportement. Donc ça peut passer aussi bien par un manque de formation de l'usager. Ça peut aussi venir de la maîtrise, manque de d'habitude de circulation. Donc vraiment, là, on parle vraiment purement d'un comportement et vraiment pas d'un défaut ou d'un problème de mécanique. Nous avons eu un accident dernièrement qui nous laisse penser que le véhicule était débridé, puisqu'il y avait un groupe de cyclomoteurs qui circulaient, et un d'entre eux a décidé de dépasser tout le monde, et malheureusement il s'est retrouvé sur la voie de gauche, et a percuté un scooter qui lui remontait en sens inverse. Voilà. On suppose qu'il était débridé. Effectivement, on n'a pas analysé, donc on n'a pas la certitude, mais on se dit que si jamais il avait été limité comme les autres, il n'aurait jamais cherché à dépasser. Hop, on va aller au standard pour prendre un premier appel. C'est celui de Philippe qui nous appelle de Saint-Paul. Bienvenue sur Réunion Première, Philippe. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Darmier. Moi, je voulais juste vous rappeler deux réflexions sur ce que vous venez de dire. C'est le rôle essentiel de la formation. Puisqu'effectivement, dans ce que vous dites, hein, les accidents, c'est beaucoup un problème de formation. Moi, je suis moutard. Dans les gros cylindrés, on a instauré des formations un peu plus complètes aujourd'hui. On limite les cylindrés à certaines catégories de personnes ou de jeunes. Pourquoi ne pas instaurer des formations draconiennes sur les conducteurs de deux roues de 50 cm cubes ou autres? Qu'est-ce qui n'est pas plus dangereux entre un 50 cm débridé et un conducteur de voiture qui, lassé des embouteillages, décide de passer à la moto en 125 sans aucune, avec très peu de formation? Et je peux vous dire que sur la route, on voit des personnes qui, même en 125, ont des comportements dangereux, des motos qui des fois manquent de puissance et qui, pour se dégager rapidement, peuvent être aussi un souci. Et puis au niveau constructeur, je me souviens, vous savez qu'on était limité à 100 chevaux sur les gros tubes, et il y a certaines motos qui étaient extrêmement difficiles à débrider, d'autres plus faciles, donc je veux dire, pourquoi à ce moment-là pas ne pas imposer des règles au niveau des constructeurs? Voilà. Mais c'est surtout un problème de formation. Que vous soyez en petit ou gros cylindré, c'est comme ceux qui ont des permis des gros cubes, des jeunes qui subitement roulent avec des sportives, qui ont des comportements d'idiots, qui doublent par la droite et qui sont aussi dangereux que quelqu'un qui a un gros cube mais qui va respecter. Moi, j'ai une moto puissante, c'est pas pour autant que je vais rouler à 200 sur la 4 voies. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on entend, Philippe. On entend aussi comme argument chez les personnes qui débrident ou qui ne débrident pas forcément les motos d'ailleurs. Certains disent d'origine on peut rouler aussi vite. Merci encore une fois pour votre question, Philippe. Merci. La question de la formation, c'est peut-être plus avec vous, Guillaume Chaberneau, qu'on peut en parler dans un premier temps. Du côté des motards en colère, on incite évidemment les usagers à être formés. Il y a déjà pas mal de formations au niveau du permis qui est en place, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus tourné vers les grosses cylindrées, même si aujourd'hui au niveau des petites cylindrées, il y a quand même au niveau des formations BSR, au niveau des écoles qui sont déjà en place, les assurances qui demandent aussi un minimum de formation, d'accord, c'est que 7 heures de cours, mais c'est déjà un début, même si c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Nous, au niveau de l'FFMC, on va aller un peu plus loin dans le sens où on va commencer à mettre en place dès l'année prochaine des ateliers auprès des établissements scolaires, nous ce qu'on appelle ERJ, éducation de routière de la jeunesse, où des motards, des bénévoles motards vont intervenir après une formation, bien sûr, au niveau de pédagogique, au sein des établissements pour expliquer la sécurité routière, l'utilisation d'un deux roues, le code de la route. Voilà, on va vraiment aller chercher une formation encore vraiment beaucoup plus tôt et continuer ce cursus après sur d'autres systèmes. Vous qui vendez des motos, des scooters aussi, Alexandre Chanmanan, vous avez l'assurance quand vous vendez un scooter que celui qui va le piloter, il est prêt à le faire? Ben souvent, quand la personne vient acheter un scooter, on lui demande s'il a son BSR et maintenant le permis AM qui est obligatoire pour les nouveaux usagers de la route à partir de 14 ans. Ouais, le permis AM a remplacé le brevet de sécurité routière, le BSR. Hein, c'est ça. Hein? Donc nous, on demande toujours à avoir ça, mais après, si c'est le parent qui achète à son nom et que derrière il va donner au gamin, ben, on ne sait pas si lui a été formé, s'il a son permis, et là on peut pas savoir. Oui, et c'est une question de responsabilité, tout simplement, de bon sens, non? Oui, c'est tout à fait ça. Après, chaque usager de la route doit avoir un bon comportement, il doit être sûr qu'il sait quoi faire sur la route, connaître les signalisations, les limites à avoir. Après, ben, c'est la responsabilité de chacun, il faut être... Il faut réfléchir et pas faire n'importe quoi sur la route. Quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle que faisait Philippe Major Lucas entre un automobiliste raisonnable et puis un pilote de 50 cm3 débridé, de 125 qui n'est pas assez formé? Oui, c'est une bonne intervention. Les conducteurs de véhicules qui passent au 125... c'est vrai que maintenant a été mis en place ces 7 heures. Auparavant, ça n'existait pas. Donc, c'est déjà. Alors, c'est quoi ces 7 heures exactement? C'est 7 heures de formation qui va lui permettre de prendre en main un deux roues et de savoir piloter un 125. Voilà. C'est 7 heures de pilotage avec une auto-école. Et ça, c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire maintenant. Il doit le suivre. S'il n'a que le permis B, il n'a pas le permis A. Effectivement, c'est obligatoire s'il veut piloter un 125. Alors, nous sommes motocyclistes. Le monsieur qui est intervenu à la radio dernièrement disait également qu'il était motocycliste. On sait très bien, nous motocyclistes, ce qu'est un freinage d'urgence. Mais en scooter, les jeunes en scooter qui roulent avec un 50 cm3 débridé, sait-il ce que c'est déjà qu'un freinage d'urgence ? Et a-t-il la bonne position ? Parce que nous qui sommes motocyclistes, on sait très bien qu'en freinage d'urgence, on serre les genoux et on s'accroche au guidon, freinage d'urgence. Mais en scooter, on serre quoi avec les genoux ? On n'a rien. Donc si on n'a pas bien placé ses pieds dès le départ, c'est pas au moment où il faut freiner qu'il faut commencer à changer de position, c'est déjà trop tard. Voilà. Ce type de position sur le scooter doit être appris dès que l'on monte sur cet engin. Scooter débridé, attention, danger, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et on va prendre la direction de Saint-Paul pour écouter le point de vue ou la question de François. Bonjour François. Oui, bonjour. Je voulais intervenir. Il y a quelque chose, je pense, qui pousse les jeunes à débrider leur véhicule, c'est que la limitation à 45 km/h est quand même très inadaptée. Je pense que c'est très dangereux de rouler à 45 km/h sur des nationales où vous faites doubler par des voitures à 70, 90. Et y aurait-il pas moyen plutôt de repenser la loi, d'autoriser peut-être à l'origine quelque chose qui roule à 70 km/h. Là, les freins à disque des scooters permettent tout à fait de s'arrêter à cette vitesse-là. En comparaison aux 103 Peugeot de... Il y a 30 ans qu'ils roulaient, eux, à 70 avec des freins à tambour. Donc, le fait d'obliger un petit peu les jeunes à débrider, après, il n'y a plus de limite. Comme à 45, ils se traînent vraiment, c'est archi dangereux, donc ils débrident. Et ça les incite à débrider trop. Y aurait-il pas moyen d'avoir des véhicules qui roulent, voilà, bridés à 70, 80 peut-être, mais je pense que 70, ça me semble raisonnable. On a compris votre question, François. Le son est pas très bon, je me permets de vous couper, parce que le son est vraiment pas très bon. On a compris l'essentiel. Alors, personne ne les oblige à débrider, contrairement à ce que dit François, mais je vois l'idée, ouais. Ils sont incités parce que, voilà, est-ce qu'il faut légiférer et les autoriser à aller plus vite que 45 km/h, ce serait pas assez, d'après François. Major Lucas. Il y a un temps pour tout. Lorsqu'on a 14 ans et qu'on monte sur un scooter, est-ce qu'on est déjà apte à rouler sur une nationale ? Les parents, déjà, devraient annoncer à l'enfant et lui donner des limites de territoire où circuler. Sans les défendre, ces jeunes, mais parfois, ils sont obligés. C'est la route à emprunter pour aller au collège. Voilà, il y a peut-être une nationale à emprunter. Donc, dans ces cas-là, ils sont obligés. Oui, mais qui roulent en sécurité sur la droite. De toute façon, les automobilistes, surtout sur l'île, ici à La Réunion, on connaît tous nos routes, bien plus qu'en métropole. En métropole, vous avez... le Belge qui s'en va en Espagne et puis l'Anglais qui s'en va en Italie. Ici, on roule tous sur les routes, on finit quand même tous par les connaître. Donc, on sait très bien quelles sont les zones où les scooters peuvent rouler et circuler. Et ils ont qu'à rouler donc prudemment sur le bord droit de la chaussée. C'est toute une éducation. Après, une fois qu'ils auront l'âge, qu'ils passent le permis, qu'ils conduisent un 125, il n'y a pas de problème. Et vous aussi, vous pouvez donner votre avis au 02 62 99 2000 ou par texto au 06 92 70 2000. Guillaume Chaberneau de la Fédération Française des Motards en Colère, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous disait François ? Vous comprenez, vous, que 45 km/h, ce soit... trop peu rapide. Il y a le point de vue motard qui va vous dire qu'on a toujours envie d'avoir un peu plus de confort, c'est sûr. Après, il y a quand même la question de sécurité qui rentre en jeu, je suis tout à fait d'accord. On a 14 ans, on apprend à peine à conduire sur la route. On n'a aucune expérience, donc on pourrait peut-être, en effet, mettre des échelons en fonction de l'âge, mais aujourd'hui, à 14 ans, conduire un 45 cm3 me paraît largement suffisant. Après, malheureusement, on a peut-être aussi des axes routiers qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, aujourd'hui, moi, je reste sur le principe que, voilà, à 14 ans, il faut être formé d'abord. Et puis, il y a Mario de Sainte-Suzanne par SMS, justement, qui nous demande « Est-ce que les scooters sont autorisés sur les quatre voies ?» C'est souvent là qu'on les voit aller presque aussi vite que les voitures. Qui répond à cette question ? Sur certaines zones, voilà. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des points de passage obligés où effectivement on ne peut pas faire autrement que d'utiliser la quatre voies. La route du littoral, par exemple. La route du littoral, donc elle est autorisée, sauf quand elle est basculée. D'accord. Voilà. Après, donc, il y a certaines zones. De toute façon, c'est très bien affiché à l'entrée, à la bretelle, ou juste avant une sortie, vous avez des grands panneaux qui vous annoncent interdit aux piétons, interdit aux vélos, interdit aux cyclomoteurs. Faut-il encore connaître le code de la route et savoir ce que veut dire ces panneaux ? Oui, c'est ça la question. Les propriétaires de scooters trafiqués, ils assument totalement les risques qu'ils prennent, en tout cas au moins au micro de Stéphane Enilorac. Stéphane qui s'est rendu dans le quartier du Chaudron, il y a rencontré Jean-Louis, âgé d'une vingtaine d'années, et il est très fier de son deux-roues. D'origine partout, réglage simplement. Réglage bi dans l'embrayage avec un pot. Pot GP Evo 2, transmission double 14, je m'y précise bien, double 14. Combiner rot pour nous fuyons les autres. Nous les plus mal les autres. Nous n'avons pas d'avance les autres. Oublie pas ça la loi. Voilà, alors quand il est bande là, c'est les gendarmes, les policiers. Une vraie défiance hein, à l'égard des forces de l'ordre. Donc vous vous êtes surpris, Major Lucas ? Non, pas du tout. Pas surpris. Je l'aime bien, ce garçon. Il est très sympathique. C'est avec sa vie qu'il joue, hein, au départ. C'est pas avec nous. Au départ, il faut quand même avoir peur de l'accident. Ils ont pourtant vraiment ce sentiment, on l'entend là. Hein. Oui, il a ce sentiment parce qu'il n'a pas conscience qu'il joue avec sa vie. Le scooter, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas dans ces cas-là un véhicule plus puissant prévu par la loi? Un 125, un 400 cm3, un 600, un 800, un 900. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas un véhicule prévu? Il passe sur un permis de conduire qui coûte environ 1000 euros, on va dire. Hein, 1000 euros contre une vie, je veux dire, ça fait pas le poids. Hein. Donc il passe le permis de conduire et il peut conduire une vraie machine. Cette attitude, comment vous l'analysez, vous, Guillaume Chaberneau? Ces jeunes qui défient la loi. C'est un comportement risqué, non, déjà non seulement pour eux, mais aussi pour les autres usagers de la route. Comme il dit, il va vouloir fuir une brigade qui va le poursuivre et il va vouloir prendre tous les risques et il va peut-être à ce moment-là griller un feu rouge et malheureusement peut-être heurter une personne qui traverse ou malheureusement le cas le plus dramatique, se faire renverser par un autre usager de la route. Voilà, il y a un manque de conscience de la réalité du terrain, vous diriez, vous, de votre côté, Alexandre ? Oui, quand on entend ce genre de comportement, c'est sûr que là, une personne comme ça, on lui donnerait n'importe quelle moto, ce serait le comportement à travailler dessus, puisque là, c'est pas une histoire de cylindrée, de moto, c'est derrière, il y a toute une éducation à faire, il y a tout un travail à faire sur responsabiliser la personne et là, il prend des risques envers lui, il prend des risques en mettant des agents de la sécurité aussi. Donc non, ça c'est des comportements complètement à arrêter. Quoi. Et Alexandre Chanman-Han, je rappelle que vous êtes double champion de la Réunion de Supermotard 2014-2015. Donc ces jeunes, ils vous prennent aussi en exemple parce qu'ils vous voient faire sur les terrains de motocross et puis ils veulent reproduire ça à l'extérieur. Alors c'est un peu comme les tours de magie où on dit à la télé, surtout ne refaites pas ça chez vous. Quel message vous leur adressez à ces jeunes? Oui, ben exactement. C'est le message que moi j'adresse à ces jeunes, c'est de ne pas faire le con sur la route. Parce que la route, c'est pas un circuit, c'est le slogan de la FFM, Fédération française de motocyclisme. Et à La Réunion, on a une ligue de moto qui est une des meilleures ligues de France. Et on est en train de mettre en place une école de moto. Donc moi, j'inciterai les jeunes qui veulent faire de la vitesse de venir sur les circuits adaptés avec toute la sécurité, les horaires prévus pour, et venir... donner à sa passion dans les meilleures dispositions. Mais le problème, c'est que les circuits, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion. C'est justement ce que nous dit Jasmine de La Possession par SMS. Salut à toute l'équipe. Tant qu'il n'y aura pas de piste pour pratiquer la pousse de façon légale, le problème ne sera pas réglé, Major Lucas. Ça reste quelque chose à faire, ça ? La pousse est un autre domaine hein, que le cyclomoteur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le cyclomoteur débridé est une chose. La pousse en voiture, c'est autre chose. Mais on les voit, les cyclomoteuristes, parfois, dans les pousses. Je reste quand même... sur David avec notre camarade qui dit un vrai pilote ne s'amuse pas sur la route. Le vrai pilote, c'est celui qui prend du plaisir sur le terrain, qui s'en va sur les circuits aussi bien de karting. Hein. Et une fois qu'on s'est régalé sur un circuit de karting, je peux vous dire que la route ne nous amuse absolument plus. 02 62 99 2000, c'est le numéro qu'a composé Samuel de l'Entre-deux. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Réunion Première. Petite réaction à faire surtout avec le débat. Principalement, bon, quand j'ai entendu votre invité dire que un des principaux accidents, c'est le manque de maîtrise du scooter. Je pense que ceux qui ne maîtrisent pas le scooter, surtout, c'est souvent les gens qui ont surtout un problème avec l'alcool aussi, je pense. Parce que, un scooter, il n'est pas très lourd, on dira. Pour ne pas maîtriser, c'est vrai que, faut qu'il y a quelque chose. Bon, l'alcool, je pense que c'est une des raisons. Donc, dire que les Berry déjà ne peuvent pas maîtriser leur scooter. C'est un des principaux accidents, je pense que ben, c'est l'alcool déjà, en premier. Ensuite, en deuxième, bon, moi, bon, j'ai plus de scooter, mais je me rappelle, quand j'en avais acheté un encore bridé, j'ai pas pu arriver chez moi parce que ben, j'habite dans les Hauts, en côte, un scooter qui est bridé, il fallait que je le pousse pour arriver chez moi, quoi. Donc là, j'ai fait demi-tour, je suis parti voir le concessionnaire et dire, ben, faut faire quelque chose, parce que, ben, automatiquement, ben, si je prends un moyen de transport, je peux pas arriver chez moi, parce que, bon, à La Réunion, les côtes sont quand même assez pentues, et à chaque pente un peu trop raide, on est obligé de pousser, donc c'est un des soucis aussi qui se passe avec les scooters, et qui favorise le débridage de prendre des scooters aussi. Et le concessionnaire, il a fait quelque chose pour vous ou pas? Oui, il a fait quelque chose pour moi, oui. Concrètement? Enfin, pas le concessionnaire, mais bon, je sais pas, je sais qu'il a démonté l'échappement, il m'avait changé quelque chose dans l'échappement, et après, bon, j'ai pu rentrer chez moi bien, bien comme il fallait, et c'est pas pour ça que mon scooter est devenu plus dangereux, parce que bon, maintenant, les scooters, ils ont fait un disque avant, hier, extrêmement surdimensionné pour ce qui est du scooter, donc, le danger, c'est vrai, le danger, c'est le pilote, je pense que c'est pas le scooter en lui-même. Voilà. Personnellement, moi, c'est mon point de vue. Le danger, c'est le pilote et pas la machine. Merci pour votre intervention, Samuel. Major Lucas, alors, on entend aussi ça, des deux roues qui n'iraient pas assez vite dans les côtes. Bien sûr, le 45 cm cube, le 49 cm cube limité à 45 km/h va avoir du mal à monter dans les côtes. Mais c'est parce que vous choisissez le véhicule qui n'est pas adapté à la situation. Il vous faut un véhicule plus puissant. Et pourquoi acheter un 50 cm cube et vouloir le gonfler? Acheter un véhicule conséquent. Alors ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge, bien sûr. Mais jusque-là, il faut évidemment respecter la loi, ce qui veut dire que vous attendez d'avoir l'âge pour acheter le 125 ou voire plus si jamais vous pouvez. Et puis, c'est un peu comme si vous avez une famille de 7 enfants, vous achetez une petite voiture et puis vous rajoutez 2 sièges à l'arrière dans le coffre. Vous voyez ce que je veux dire? Achetez le véhicule qui convient à votre famille. Pour ceux qui habitent dans les Hauts, achetez le scooter qui convient à la situation. Alors, il évoquait les concessionnaires. Alexandre Chanman-Hatt, je rappelle que vous êtes aussi vendeur de deux roues. Est-ce que les vendeurs sont irréprochables ou est-ce que ça leur arrive parfois de rendre service, entre guillemets? Non, ben nous, de plus en plus, les scooters qui arrivent sur le marché sont bridés et les motos actuelles montent les côtes qu'il y a à La Réunion sans souci. Enfin, on va rouler doucement, mais c'est plus comme auparavant où il y avait vraiment un gros souci de chauffe, etc. De plus en plus, les constructeurs, ben, même si ça monte pas très vite, ben, on peut quand même arriver chez soi. D'accord, mais il n'y a pas cette tentation d'accepter cette demande des usagers de débrider le scooter une fois de temps en temps? En tout cas, chez nous, on prévient aux clients que nous, les risques encourus en cas de débridage sont très sévèrement punis par la loi. Je rappelle que c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et je crois que 5 années de non-pouvoir exercer sa profession. Donc, si c'est pour faire un débridage et derrière plus pouvoir travailler, c'est la principale chose que nous on demande. Nous, on est là pour travailler et là, en plus, nous, c'est une entreprise familiale. Donc, on a besoin, c'est notre pain, donc on travaille, mais on reste dans la légalité pour conformer tout ça, quoi. Alors, rouler sur un scooter débridé, c'est risquer sa vie, mais pas seulement. Après un accident, il faut aussi rembourser les victimes. Les compagnies d'assurance sont en première ligne dans ce domaine. Florence Sesmat, c'est la présidente du comité des assureurs Réunion Mayotte. Elle revient sur ce qui se passe quand un scooter est impliqué dans un drame de la route. Double conséquence, évidemment. La première, c'est de se retrouver soit victime, soit responsable d'un accident avec dommages corporels graves pour elle-même et pour d'autres personnes autour. Et puis, du point de vue des assureurs financiers, le risque que, s'ils sont assurés, que le contrat ne fonctionne pas, ne prenne pas en charge les dommages et qu'on se retourne soit nous, soit le fonds de garantie des assurances obligatoires sur le responsable en fait, du sinistre pour se faire rembourser pendant le temps qu'il faudra, des fois toute une vie, des dommages corporels causés par la personne, par le jeune souvent. Soit le jeune, soit souvent les parents, en tout cas là où il y a de l'argent, on va le chercher. En tout cas, c'est toujours des situations très difficiles à gérer. Florence Sesmat, qui est donc présidente du comité des assureurs sur Réunion Mayotte. Elle a été interrogée par Stéphane Enilorac. C'est peut-être ça qui peut interpeller ces jeunes, finalement, Major Lucas, c'est de dire, mais si vous avez un accident, c'est votre famille qui va être en grande difficulté, qui va devoir payer. Oui, exactement. Le fait que les assureurs puissent se retirer du contrat qui a été signé en disant le scooter ne correspond pas à celui que j'avais assuré, donc maintenant, parce que il faut quand même bien savoir que on en parlait tout à l'heure l'hospitalisation. Une hospitalisation en soins intensifs, vous arrivez très facilement à 10 000, 20 000, 50 000 euros, quoi. D'accord? Et la famille va devoir assumer après cette somme d'argent. Voilà. Donc effectivement, l'argent peut mettre une barrière à l'envie de vouloir débrider l'engin. Je voulais quand même rappeler que depuis l'acquisition du curvomètre, en 2014, nous avions 7 morts en cyclomoteur. En 2015, nous sommes descendus à 3. Et cette année, pour l'instant, on est encore à 0. Et j'espère que, je parle de la zone gendarmerie, hein, j'espère qu'on va rester là. D'accord, on espère aussi, évidemment. Sur ce que nous disait cette responsable des assurances, il y a ce message important à faire passer, Guillaume Chaberneau également. Bien sûr, on revient sur le principe de prise de conscience. Ça commence déjà au sein même de sa famille. Voilà, donc un jeune de 14 ans, voilà, c'est un drame pour une famille, dans un premier temps, peut-être de perdre son propre enfant. C'est jamais agréable. Et surtout, quand on voit tout ce que ça peut engendrer derrière en termes de problématiques financières, non seulement pour soi, mais également pour indemniser l'autre famille. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Ayez conscience qu'une vie sur la route, ça coûte très cher. Ça peut coûter très cher. Et le but, c'est pas là. Hein. Le but, c'est de pouvoir rouler en sécurité, d'être bien sur la route. Donc oui, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et finalement, tout ça, ça peut se faire, peut-être quand même, mais dans un cadre sportif. Alexandre Chanman-Han, vous en êtes l'exemple. C'est peut-être ça qu'il faut dire aux jeunes, oui, la vitesse, mais dans des clubs, dans des structures. C'est ça, il y a plein de structures à La Réunion, que ce soit pour la piste, le bitume, on va dire. Après, il y a le motocross, il y a du trial, il y a de l'enduro, il y a plusieurs disciplines qui touchent à la moto. Ça peut être une discipline qui va plaire à l'un et à un autre, une autre discipline. Après, il y a des formateurs. Moi, je suis actuellement en formation pour éduquer les jeunes dans la pratique de motocyclisme. Donc, avec le biais de la Ligue de La Réunion et de la FFM qui nous encadre. On est 8 là, actuellement, en train de faire la formation. Donc, ça passe peut-être par une formation compétition qui, après, va donner des comportements plus exemplaires sur la route. Donc après, voilà, moi j'incite les jeunes à venir en compétition pour pratiquer leur sport moto dans le meilleur des cadres. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à cette émission sur les dangers du débridage des scooters. Merci aux auditeurs qui ont participé par téléphone ou par SMS. Le major Robert Lucas était avec nous ce midi de l'escadron départemental de sécurité routière à la gendarmerie. Guillaume Chaberneau de la FFMC 974 et puis Alexandre Chanman-Han, vendeur de deux roues et double champion de La Réunion de supermoteur. C'est dans l'actu demain, le souvenir de la traite négrière et de son abolition. Souvenir qu'on commémorera ce 23 août. Réunion Première, la plus grande couverture FM de Lille. À Sainte-Rose, 96.5. Sainte-Suzanne, 90. Salazie, 90.8. Piton-Textor, 89.6. Merci de votre fidélité. Et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. Première. Et à 1h10, vous retrouvez tout de suite Ingrid et en musique. Merci Philippe, à demain. Le prochain point d'information, ce sera tout à l'heure avec France Info, information nationale et internationale. D'ici là, c'est Mickaël qu'on écoute à la folie. Mina tellement de choses pour dire amour, mais n'y trouve pas les mots pour expliquer à quel point Mina m'a ou il a mis pile le nom, ouais. Quand ou éloigne ou du moins. Ça rejoint Ali, mi plaire, mi contrôle, puis moins, mi pire. Tout mon esprit, mi sent encore. Où lève si ni mienne, une bonne caresse tout au long de mon corps. Mais ça l'était trop beau pour continuer. Mais la moi elle est désolée. Mi gagne, puis garde le secret. À

chase through the madness and chaos. So I call on my angels. They say, oh, you have so little faith. Sur Réunion Première, Rise et du vent, de la couverture nuageuse cet après-midi. Bulletin météo complet, ce sera juste après le journal de France Info. D'ici là, voici Ritza, pardon. J'ai trouvé des failles, j'ai commis des fautes, je les ai laissées faire. On m'a fait du mal, j'ai prêché le faux, je suis resté vrai. J'ai remonté la pente, j'ai serré le poing sans le faire savoir. Je suis allé de l'avant, le regard loin, sans perdre espoir. Je vous demande d'oublier, mais je ne peux me confier. J'aimerais le crier, je suis pris au piège par ma fierté. Sans avouer, sans parler, j'ai cavalé, cavalé. J'ai tout donné, tant d'années. Je te demande pas. De rien, ici le vent tourne, je n'ai rien vu venir. J'ai tout laissé tomber pour un monde meilleur, je te demande pardon. Je n'ai pas su te garder, je me suis perdu ailleurs, ici le temps est long. J'ai fait des choses à contre-coeur, je me croyais innocent. Je n'ai pas entendu tes pleurs, en fait j'étais inconscient. Sans avouer, sans parler, j'ai cavalé, cavalé. J'ai tout donné tant d'années. Il est 13h sur Réunion Première. Voici le journal de France Info. À l'écoute de France Info, il est 11h. Le journal Aurélien Tirard. Bonjour Aurélien. Bonjour Marie, bonjour à tous. On va revenir sur le bilan des Français aux Jeux Olympiques. Les Bleus ont fait le plein de médailles, c'est le cas pour les handballeurs, mais avec seulement l'argent pour les experts. À la une également ce matin, l'assurance maladie. Les médecins trouvent un accord sur le prix de la consultation chez le généraliste. Il faudra payer 25 euros au lieu de 23. Brice Hortefeux prêt à soutenir à nouveau Nicolas Sarkozy dans sa nouvelle course à l'Elysée. L'ancien ministre de l'Intérieur le dit sur France Info. Une agression ultra-violente à Madagascar. Deux Français ont trouvé la mort ce week-end à la sortie d'une de nuit. Et c'est une belle journée, du soleil pour tout le monde. Il fait chaud, vous aurez 28 degrés à Paris, jusqu'à 31 dans le sud-est. Météo de Sophie Briat dans 8 minutes. France Info. Aurélien Tirard. Fini les nuits blanches, fini les Marseillaises à Rio. Les JO, c'est terminé. On retiendra bien sûr ce bilan français avec le plein de médailles. 42 en tout, dont 10 en or. C'est mieux qu'à Pékin en 2008, soit le record des Français depuis l'après-guerre. Alors, tous les sports n'ont pas fait le plein. C'est le cas du basket, du vélo, de la natation. Pour le hand, eh bien, c'est de l'argent pour l'équipe féminine et pour les hommes. Mais ce n'est pas vraiment dans les habitudes des experts. Double champion olympique jusqu'à présent, Xavier Monferrand. Le goût amer d'une deuxième place, les experts le découvrent. Perdre en finale, ça n'était plus arrivé à l'équipe de France de handball depuis 23 ans. Certains n'étaient pas nés. Même Thierry Omeyer, qui va avoir 40 ans, ne gardait pas encore les buts des Bleus. Alors le portier tricolore essaye de s'en contenter. Forcément, il y a de la déception. Après, c'est une belle médaille. Voilà, je pense qu'on peut être fier du parcours qu'on a fait ici à Rio, à atteindre encore une fois la finale. C'est sûr qu'on voulait la médaille d'or aujourd'hui. Maintenant, voilà, il aura manqué un peu pour aller décrocher un nouveau titre. Pas de triplé consécutif au jeu donc pour Thierry Omeyer et les handballeurs français. L'histoire attendra, mais ils sont très peu